Et voilà, depuis que ma mère a pris une paire de lunettes de sport à mon frère, il n'a plus de raison de sécher le sport à l'école. Mais voilà, mon frère au handball, il est... Hé, hey, y'a main là ! Oh ! Vraiment nul. Chez Atoll, la deuxième paire est toujours utile. En ce moment, bénéficiez de la deuxième paire de sport à la vue jusqu'à -50% chez votre opticien Atoll. Et pour un meilleur confort visuel, choisissez les verres Essilor. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur atoll.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Il était temps dans cette série sur le tragique de revenir aux inventeurs des tragédies, les Grecs de l'Antiquité. Quatrième épisode, destin et malédiction familiale chez les Grecs anciens. Il faut faire attention à ne pas plaquer sur les Grecs de l'Antiquité notre vision moderne du tragique. Ce sera un enjeu central dans l'émission de ce matin. Comprendre donc ce qui était en jeu en leur temps dans les œuvres d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide, voilà ce que nous allons faire. Ces trois dramaturges ont écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quoiqu'Eschyle soit le plus ancien, il est né en 525 avant notre ère et a donc commencé à devenir un jeune auteur dès la toute fin du 6e siècle. Que faut-il entendre dans ces histoires épouvantables d'enfants sacrifiés ou tués par vengeance, comme dans Médée, dans ces histoires de meurtres en cascade, comme lorsque Oreste venge son père Agamemnon, tué par sa mère Clytemnestre pour avoir accepté de sacrifier leur enfant Iphigénie. Ou encore, que faut-il entendre dans ces situations d'auto-sacrifice comme celle d'Antigone, acceptant la mort pour avoir désobéi au pouvoir qui ne voulait pas enterrer son frère dignement. Tout cela sur fond de fratricide. Ces deux frères s'étaient entretués. Et d'inceste, Antigone est née des amours d'Édipe avec sa propre mère. Oh là là, que de choses à explorer. Est-ce du tragique qui se déploie dans tout cela? Et si oui, de quelle sorte? Et en quel sens exactement? Bonjour Pierre Judet de la Combe. Bonjour. Helléniste passionné, vous produisez depuis 2022 l'émission « Quand les dieux rôdaient sur la terre » sur France Inter, émission consacrée à la mythologie grecque et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Les tragédies grecques sont-elles tragiques ?» paru en 2017 chez Gallimard. Et bonjour Laetitia Mouze. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès et c'est d'ailleurs depuis les studios de France Bleu Occitanie que vous intervenez ce matin. Merci aux équipes. Vous êtes une spécialiste de la philosophie grecque antique. Vous nous direz si l'univers mental des tragédies grecques a diffusé dans la philosophie ancienne ou si, au contraire, celle-ci lui a opposé une résistance. La tragédie, c'est la faille de la responsabilité. C'est le fait qu'un individu, depuis que l'homme est conscient, un individu est responsable de ses actes et ne l'est pas. Que nous faisons ce que nous voulons, mais nous faisons ce que le monde nous force à faire. Ce que des causes, proches ou lointaines, conscientes ou inconscientes, présentes ou passées, nous font faire. Nous sommes conditionnés, nos actes de volonté sont conditionnés par, on peut donner à ça des tas de noms, le refoulement, le destin, etc. Et je pense que toutes les tragédies sont des histoires où l'homme essaye de faire le point sur ce qu'il est en train de découvrir au 5e siècle, c'est-à-dire sa responsabilité et sa totale irresponsabilité, sa prédestination et son immanence. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose dans le tragique que cela. Le reste, c'est du mélodrame. Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre le metteur en scène Jean-Pierre Vincent qui s'exprimait sur la tragédie grecque ancienne dans À voix nue sur France Culture en 1990. Il dit que la responsabilité est l'enjeu central dans les tragédies du 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. On entend là une responsabilité de nature morale mais aussi juridique. C'est la question de la loi qui serait donc posée, la loi et l'individu face à la loi. Qu'en pensez-vous, Pierre Judet de la Combe ? Oui, c'est vrai que c'est une question importante. Alors, donc, il y a les humains qui piétinent, qui hésitent, qui balbutient, qui essaient de comprendre quelque chose, qui agissent. Et il y a le réel. Le réel leur échappe. C'est-à-dire, parfois, ils le transforment quand ils gagnent une bataille, etc. Quand ils font des enfants, quand ils deviennent rois. Mais le réel, c'est les dieux. Les dieux, c'est le réel. C'est-à-dire que c'est pas l'imaginaire. Les dieux, c'est ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Et que les choses, avec une modalité de nécessité, les choses devaient être ainsi et pas autrement. Les dieux, c'est ça. C'est pour ça que ce sont pas des dieux transcendants. Ce sont les dieux qui font le monde. Ils sont dans le cosmos. Et les dieux ont décidé, en général, de ce qui doit arriver. Sauf qu'ils l'ont pas dit. Oui, ils l'ont dit par des signes, des prédictions, des énigmes, des choses bizarres. Et donc, on découvre après coup que ce qu'on croyait faire de soi-même, en fait, c'était mu par des forces ancestrales, des forces anciennes. Donc, c'est un rapport au temps. Le réel comme étant le dévoilement de quelque chose du passé qui, d'un seul coup, s'impose. Est-ce que, si on reste un instant sur cette idée de la responsabilité devant la loi morale, la loi juridique, est-ce que ça veut dire que les tragédies montrent qu'il y a de l'inobéissable, si j'ose dire. Il y a des choses qui s'imposent à nous, on voudrait faire autrement, on ne peut pas. Et s'il y a alors de la transgression des lois naturelles, de la cité ou de la morale, parce qu'on ne peut pas faire autrement, est-ce que ça veut dire aussi que le héros tragique est injugeable, si je puis me permettre un deuxième mot un peu forgé? Alors la tragédie n'est pas morale. C'est ça le point. La tragédie, d'abord, c'est pas de la philosophie, ça en viendra, même si ça touche des questions qui passionnaient les philosophes de l'époque et les philosophes modernes et contemporains. La tragédie montre des situations et elle a un esprit analytique, si on peut dire, dit c'est quoi agir, c'est quoi parler. Et le coup de génie de la tragédie, c'est ça, c'est le genre, c'est d'avoir dédoublé la parole. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les héros qui pensent agir avec des valeurs, avec des normes, avec des buts, ils sont rationnels ou irrationnels, parfois ils deviennent fous, etc. Mais ils agissent, ils ont dans le plan d'immanence, si on peut dire, ils poursuivent des fins. Et vous avez ce qui est extraordinaire, et ça c'est unique, c'est le seul genre où il y a ça, après ça va être repris par la comédie, vous avez une voix collective, c'est le cœur. Le cœur, c'est toute la pensée de l'époque. Mmh. C'est tout ce que l'époque peut dire au niveau mythologique, scientifique, philosophique, poétique, c'est extraordinairement élaboré, pour dire, mais c'est quoi le réel? C'est quoi ces dieux qui sont toujours là? Et le cœur, c'est le consensus et qui essaye de faire la théorie de ce qui est en train de se passer avec ces héros. Et parfois, il ne comprend pas, d'ailleurs, alors, le cœur lui-même. Alors, même quand le cœur est ultra-philosophe, ultra-rationnel, ultra-réfléchi, comme dans l'Agamemnon d'Eschyle, dans l'Antigone, mais un peu partout, le cœur ne comprend pas. Et cette perplexité est le signe même du tragique? Alors, c'est une faille, effectivement, pour employer le mot de Jean-Pierre Vincent, je veux dire, une faille qui est au niveau de la culture, c'est-à-dire et au niveau de ce qu'on peut penser. On peut penser avoir une théodicée, une théologie, avoir une morale, avoir une politique, etc. Mais on n'arrivera pas à rendre compte de cela même qui a lieu, ce qui arrive à tel héros. Et pourquoi? Parce que la pensée est par définition généralisante. Ce sont des lois. Les héros ne sont pas des généralités. Personne ne peut être Oedipe. Personne ne peut être Agamemnon ou Clytemnestre ou Hélène. Il n'y a qu'un seul être qui peut être Hélène, c'est Hélène, même si elle se dédouble, ça c'est l'ironie de l'Oedipe. Mais je veux dire, donc on n'est pas dans l'ordre de la signification générale, ce que les philosophes vont essayer de construire. On est dans l'ordre vraiment de la singularité. Et les tragiques montrent qu'il y a toujours, face aux lois générales, alors que la philosophie a élaboré, et un de nos grands problèmes pour nous hellénistes, c'est qu'on a perdu quasiment toute une grande partie de la philosophie du 5e siècle. Si on a Parménide, on a Empédocle, on a Gorgias, mais on a perdu beaucoup de textes, tout ce qu'avait lu et que connaissait à fond et par cœur Eschyle, Sophocle, Euripide. On a perdu tout ça. On a Platon, Aristote, mais c'est juste après. Oui. Et donc la tragédie dit, oui d'accord, vous construisez des lois, mais qu'est-ce qui arrive à cet individu-là qui est non substituable? Oedipe, il n'y en a pas deux. Et c'est ça qui est passionnant. Et quand vous énoncez des lois physiques, des lois éthiques, des lois politiques, juridiques même, eh bien vous êtes toujours des quelqu'un. Vous n'êtes pas simplement des sujets capables de se hisser à ce niveau universel. Vous êtes en situation. Et ça, la tragédie, contre la philosophie, si j'ose dire, le rappel, et la philosophie va devoir ramer pour réintégrer cet aspect singulier de celui qui parle ou de celui qui agit. Merci d'envoyer la balle directement à notre philosophe spécialiste des Grecs anciens, Laetitia Mouze. Contre la philosophie, vient de dire Pierre Judet de Lacombe. Est-ce que vraiment le tragique grec ancien est un défi et spontanément, la philosophie qui rationalise cherche à le dompter? Peut-on dire cela? Alors oui, sans aucun doute. Moi, mon point de départ est donc l'inverse, c'est-à-dire non pas le rapport de polémique de la tragédie à la philosophie, mais le rapport corrélé polémique de la la philosophie à la tragédie. Oui. On sait que Platon, à la fois en République 10, mais aussi dans un texte un peu moins lu et un peu moins connu des Lois au livre 7, refuse d'accueillir les poètes tragiques dans la cité, dans une cité bien faite. Pourquoi ? Eh bien, précisément, au motif que le sens de la vie qui transparaît selon lui à partir des tragédies, étant donné la mise en scène d'un héros souffrant sur scène et d'un héros qui s'en prend de ce qui lui arrive, de la tuquée qui lui tombe dessus, qui s'en prend donc de ce qui lui arrive aux dieux. Donc contre cette doxa, donc contre cette opinion sur la vie humaine qui transparaît selon lui, à partir de la tragédie et des spectacles tragiques, eh bien, Platon considère que l'être humain est responsable et aïtia, justement, de ses actes. C'est ce qu'il expose dans le mythe d'Air, de la fin de la République, qui succède immédiatement, justement, au refus d'accueillir la tragédie. C'est pas un hasard. La leçon du mythe d'Air, c'est l'être humain est responsable, pas le dieu. Or, les tragédies, selon lui, laissent entendre que ce ne sont pas les êtres humains, mais bien les dieux qui sont, en dernière instance, responsables de ce qui arrive. C'est un des motifs, ce n'est pas le seul, mais c'est un des motifs qui fait que Platon rejette la tragédie. Platon, donc, qui naît en 428 avant Jésus-Christ, donc qui a quand même une cinquantaine d'années de moins, même un peu plus que Sophocle ou qu'Euripide, mais qui sait très bien le succès qu'ils ont eu. Est-ce que le problème pour Platon est le théâtre en soi? Le théâtre n'est pas forcément de la tragédie, du tragique en tout cas, et nous faisons attention à distinguer aussi ces deux mots. Ou est-ce que c'est justement le tragique? C'est-à-dire, il serait d'accord pour du théâtre comique, pour d'autres choses, pour de la représentation, mais pas pour le tragique? Ou bien est-ce que la critique de Platon est plus générale à l'égard du théâtre? Alors c'est vraiment une excellente question et un tout petit peu complexe. La tragédie donc est condamnée, n'est pas accueillie dans la cité, dans la République, à deux reprises. D'une part, dans le courant du livre 3 de la République, pour les raisons qui sont que la manière dont elle laisse entendre ce qu'est le sens de la vie humaine ne convient pas. Mmh. Et elle est rejetée également au livre 10, également pour cette raison-là, mais aussi et surtout à partir d'une analyse du spectacle, donc du théâtre, si vous voulez. Oui, pourquoi? C'est-à-dire que et je reviendrai ensuite à la comédie, ce qui pose problème à Platon dans le livre 10, c'est que le propre de la tragédie, c'est d'être ce qu'il appelle une mimésis, c'est-à-dire, à mon sens, dans le livre 10 comme dans le livre 3, une action qui est portée par des personnages qui parlent de manière directe, qui sont présents sous les yeux du spectateur et qui donc induisent de ce fait une identification au personnage tragique, puisque on n'est pas dans une narration distanciée ou avec un narrateur qui raconte ce qui se passe, mais on est devant des acteurs sur scène que l'on voit souffrir, comme si c'était des gens qu'on voyait souffrir là sous nos yeux. Et cette présence là, c'est-à-dire le spectacle tragique, c'est-à-dire le théâtre, suscite des émotions plus fortes qui donc ont des incidences éthiques pour Platon. Le problème, c'est que, pour Platon tout au moins, mm-hmm. c'est que le spectacle tragique, par les chants du cœur, Platon accorde beaucoup d'importance au fait qu'il y ait un cœur et des chants et de la danse. Oui. Et ça fait partie du spectacle et ça fait partie aussi de la manière dont le spectacle prend le spectateur. Donc le propre du spectacle tragique, étant donné sa forme théâtrale avec tout ce que cela comporte dans l'Antiquité, eh bien, a un effet sur les affects, les renforce, pour le dire un peu rapidement. En ce qui concerne la comédie, ça se pose différemment évidemment, parce que l'affect comique n'est pas le même que l'affect tragique. L'affect tragique, c'est pitié et crainte chez Platon comme chez Aristote, parce oui. que c'est un fait culturel et non pas une thèse aristotélicienne. Alors que l'affect comique, c'est le rire, et le rire repose sur la distanciation justement. C'est-à-dire que les personnages comiques sont ridicules et le spectateur est invité non pas à s'identifier à eux, mais à rire d'eux. Et pour Platon, il y a dès lors, tout au moins dans les lois livre 7, dans la République c'est un petit peu plus complexe et ambigu, il y a dès lors pour Platon la possibilité d'une éducation via la comédie, dans la mesure où la comédie donne à voir ce qu'il ne faut pas être, des personnages moralement, pour le dire rapidement, inférieurs. Et de ce point de vue-là, elle est éducatrice, alors que la tragédie, qui renforce en nous les affects pleureurs, est corruptrice. Alors, évidemment, Pierre Judet de Lacombe, vous allez réagir à tout cela, mais je vous propose de le faire en situation, si j'ose dire, en ayant quelque chose sous la dent à commenter. Eschyle, je vous propose qu'on aille écouter deux scènes très célèbres dans le premier volet des Orestis, c'est-à-dire dans Agamemnon. Première scène célèbre, la décision d'Agamemnon de sacrifier sa fille Iphigénie, puisque les dieux le lui demandent. Pour aider l'armée d'Agamemnon dans la guerre de Troie. Écoutez. L'aîné des rois, Agamemnon, dit « Un avenir de honte nous attend si nous n'obéissons pas. Mais n'est-il pas honteux de massacrer mon enfant, le joyau de la maison ? N'est-il pas honteux de souiller mes mains de père dans le sang de ma petite fille égorgée sur un autel ? Puisqu'il faut choisir entre ces deux désastres, comment déserter mon poste sur le navire ? Comment abandonner mes camarades de combat ? Désirer passionnément, de toute mon âme, un sacrifice qui calmera les vents n'est pas une impiété, même s'il faut faire couler le sang d'une petite fille. Qu'il en soit ainsi. » Et Agamemnon, là, est représenté d'Eschyle par le Centre Dramatique National de Reims. C'est une captation de décembre 2015. Et bien évidemment, la décision d'Agamemnon de sacrifier cette petite fille, Iphigénie, va susciter la colère de la mère de cette petite fille, de Clytemnestre, qui exprime cette colère peu après. Écoutez cette scène. C'est toi qui seras chassé de la ville par les habitants et leur haine robuste. Aujourd'hui, tu me condamnes à l'exil, à la haine, à la malédiction des gens de la ville. Cet homme qui est là, tu ne lui reproches rien. Lui n'a rien respecté. Il a sacrifié sa fille comme n'importe quelle brebis bouclée prise dans ses immenses troupeaux. Mon enfant, ma chère enfant née de mon ventre. Pourquoi ? Pour exorciser les vents soufflant du nord. C'est lui que tu devais bannir de cette terre en expiation de ses souillures. Tu écoutes mes aveux comme un juge impitoyable. Je te fais cette proposition. Je suis prête à te laisser le pouvoir sur moi. Si tu l'emportes par la force dans un combat loyal, si un dieu en décide autrement, tu apprendras sur le tard à être raisonnable. Et c'est le cycle de la vengeance typique du tragique. Clytemnestre, selon les versions bien sûr, mais souvent tuera donc Agamemnon et qui sera vengé par son fils Orès, qui sera finalement lui-même absous du crime de sa mère par l'Assemblée des citoyens d'Athènes, encore une fois selon les versions. Cycle de la vengeance, alors même que Iphigénie finalement ne sera pas toujours sacrifiée. Artémis mettra une biche à la place de la petite Iphigénie. Néanmoins, tout cela est juste atroce, Pierre-Julien de la Combe. Alors oui, c'est pas gai, moi qu'on puisse dire, et en même temps, là où Platon avait raison, il condamnait la tragédie parce que c'était le délire dionysiaque, le public était en transe quand il entendait la tragédie, et ça c'est totalement vrai, il faut imaginer un spectacle grandiose, c'est comme, du rock lourd, quoi. Donc, où les gens étaient pris, c'est... Du rock, vous avez dit? Oui, vraiment, c'était comme ça. C'était de la transe, et le... Mais en même temps, il y avait de la réflexion, une réflexion théorique, parfois, chez les Chinois notamment, extrêmement acérée. Donc, les gens pleuraient, les gens criaient. Ils étaient transportés, et les mouvements sur la scène, c'était pas du tout la tragédie néoclassique, un peu sobre, qu'on a tendance à voir, qui est très, très pénible. Oui. Non, c'était du délire. C'est quelqu'un qui a su rendre ça, c'est Ariane Nouchkine, dans ses intrigues. Bon. C'était comme ça. Et donc, mais ça n'empêche pas la réflexion la plus profonde, ça. Pour un grec, c'est pas du tout incompatible. Et dans les deux textes qu'on a entendus, on a tout. C'est-à-dire que le premier texte où c'est Agamemnon prend sa décision, en fait, c'est le cœur qui chante cette scène à laquelle il a assisté 10 ans auparavant. Donc, la flotte grecque va partir et la condition pour que les vents s'arrêtent et permettent, plutôt deviennent favorables, c'est que Iphigénie soit tuée. Le cœur, juste avant, a fait un énorme éloge de Zeus, en disant « Grâce à Zeus, le bien va venir oui. ». Problème, le cœur est devant une vraie aporie. C'est que Zeus fait le bien, normalement. C'est lui qui fait que, par la souffrance, on arrive à la connaissance, enfin, etc. Toute une perspective du salut à travers les épreuves de la vie. Et dit donc là, ce qu'on a vécu, c'est horrible avec ce sacrifice. Mais on peut se dire que du bien va venir. Sauf que Agamemnon a tué sa fille, ce qui est absolument horrible. Mais pourquoi Agamemnon tue sa fille? C'est pour appliquer à Troie la justice de Zeus. La justice de Zeus qui veut punir Troie, parce que Troie, c'est la ville de Paris, qui est allée enlever Hélène, c'est un crime contre l'hospitalité que Paris avait reçue, etc. Donc il faut punir les Troyens. Les dieux le demandent. Les dieux le demandent. Ils demandent le sacrifice d'Iphigénie. Et un dieu, c'est Artémis, qui est la déesse de l'innocence, la déesse de la beauté, la déesse de la vie sauvage, etc. Elle dit, vous allez faire une chasse, ça va être monstrueux, la justice de Zeus va être monstrueuse, vous allez faire une guerre d'extermination à Troie, ça, au nom du droit, c'est horrible. Moi qui défends les vies, je demande aux chasseurs, aux tueurs, Agamemnon, de m'offrir d'abord en compensation la vie la plus belle dont il dispose, c'est-à-dire celle de sa fille. C'est une offrande pour la déesse. Ouais. Et la déesse Artémis, qui est soumise à Zeus, est obligée dans ce cas-là de laisser partir la flotte. Mais pour les humains, c'est un crime horrible. Avec donc, tout le cycle que j'ai évoqué, alors, qui suivra de la vengeance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à ce niveau-là, là, vraiment, ce sont des... Eschyle est très analytique. Ce niveau-là, la malédiction n'intervient pas du tout. C'est un problème du droit. La justice universelle que Agamemnon et tous les Grecs, là, vont appliquer à Troie est une justice juste, parce qu'il faut punir les Troyens, mais criminelle. C'est un massacre. On massacre une population juste mais criminelle entière. Et donc, il faut payer. Et celui qui va faire ça doit payer d'abord en tuant sa propre fille, c'est-à-dire lui-même en réalité. Et donc, il sacrifie sa fille. Et pour les humains, ce sacrifice qui est pieux pour Artémis est une horreur. Et Clytemnestre proteste. Elle dit, tu es allé faire soi-disant la justice de Zeus là-bas, mais tu as tué ma fille. Alors elle dit, d'ailleurs c'est magnifique, tu as tué la douleur de mon accouchement. Tu as tué, moi, ce que je peux faire comme femme, c'est-à-dire donner la vie. Et là, Clytemnestre, moi j'ai un gros faible pour Clytemnestre qui est admirable, elle dit, il y en a assez de tout ça, je veux renverser la table et je veux faire en sorte que les dieux maintenant négocient avec moi. Donc il y en a assez, ça veut dire je tue mon mari Agamemnon. Je tue mon mari parce que c'est une ordure, quoi. Il a accompli la justice de Zeus, mais pour ça il a tué sa fille, et d'ailleurs elle va la tuer dans une scène érotique de bain, en disant c'est la procréation, le procréateur qu'elle tue. Et donc elle décrit son crime comme un accouplement, avec sa jouissance à elle. Là, c'est Eschyle est magnifique. Ouais. Donc elle tue le procréateur que n'a pas été en fait Agamemnon en tuant sa fille, qu'il a renoncé à être. Et donc Clytemnestre, Hegel l'avait bien vu de certaine manière, elle dit, bon, moi j'existe comme individu substantiel qui est dans la vie réelle, concrète, et j'ai un droit. Alors, sur ce point, justement, vous évoquiez Hegel. on a l'impression, y compris chez Eschyle, qui passe pour celui des grands tragédiens anciens, comme celui qui montre une fatalité terrible pesant sur les hommes, le plus peut-être de tous, mais on a néanmoins l'impression que chaque individu, à chaque instant, est libre, y compris Artémis, y compris les dieux, mais je parlais bien sûr des individus humains, à chaque moment, ils sont libres de choisir, de décider, et d'ailleurs, la pièce montre, le théâtre montre les difficultés de la prise de décision. Alors oui, parce que tuer sa fille, c'est pas évident quand même, donc... Comme tuer sa mère pour Orès, ça va être quelque chose, quoi. Ouais. Et donc, pas chez Sophocle. Sophocle, Orès, c'est un criminel qui vient, il enlève sa mère parce qu'il veut retrouver son patrimoine. Mais je veux dire, chez Eschyle, là, c'est horrible. Et on voit bien dans ce que dit le cœur, que raconte le cœur, Agamemnon est déchiré. Et il est pas fou. Parfois, on dit, il est fou au moment où il va tuer sa fille. Non, il est parfaitement conscient. Et alors, on peut dire que le paradoxe, donc, il le fait librement, mais pour un Grec, parce que les Grecs n'ont pas le concept de liberté qui vient de l'idéalisme, où donc on aurait un principe de liberté en soi, on serait essentiellement libre, comme dit Kant. Pour un Grec, ça n'existe pas. Être libre... C'est quoi être libre pour un Grec ? Être libre, c'est ne pas être esclave. Donc il faut faire attention, pas se faire prendre par l'ennemi. Ne pas être sous un tyran. Donc c'est une liberté de condition objective, c'est-à-dire et parfois ils disent même être libre, c'est accepter la nécessité, c'est pas se rebeller contre les dieux, c'est ça être libre. Et Agamemnon, il est libre quand il prend sa décision parce que justement il ne se rebelle pas contre Artémis, mais il sait que c'est horrible. Et le cœur comprend tout de suite qu'il va se faire tuer. Donc ça. Être libre, c'est quand même avoir un minimum de libre arbitre pour pas parler comme un moderne. Voilà. C'est du libre arbitre. C'est du libre arbitre. On choisit, on discute. Et alors, et là, on peut dire parfois on a parfois des philosophes anglo-saxons. On dit que le modèle de discussion de, par exemple, chez Eschyle est plus performant que chez Kant parce que quand on décide, on voit aussi tout ce qu'on perd. Donc il y a du bien dans ce qu'on va ne pas prendre, c'est-à-dire la vie d'Iphigénie, c'est bien évidemment. Et donc là, c'est une vraie aporie. Ah, vous parliez de Hegel, on pourrait aussi dire à quel point chez Schelling, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, Les tragédies grecques sont-elles tragiques, un livre extrêmement stimulant, vous expliquez bien qu'au fond, l'enjeu, c'est la consolidation de la liberté, vous employez cette expression. Alors, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que paradoxalement, en tuant sa fille, Agamemnon devient responsable. Il devra payer. Ouais. Et alors c'est là où il y a le coup de génie d'Eschyle. Donc là, on est dans une problématique d'analyse du droit, le droit universel, la justice universelle de Zeus. Mais en tuant sa fille, Agamemnon répète la malédiction de sa famille, où on a tué des enfants, on les a même mangés, etc. Et donc, il répète ce qui s'est passé dans son propre palais. Alors, dans la pièce, ça n'intervient pas du tout. Pendant toute cette discussion sur qu'est-ce qui s'est passé avec Zeus, avec le sacrifice d'Iphigénie, c'est Cassandre, la prophétesse, la captive, qui arrive dans le palais. Devenue maîtresse d'Agamemnon, si je ne me trompe pas. Devenue maîtresse d'Agamemnon, et donc elle est, bon là, c'est un personnage qui est bon, absolument extraordinaire. Et elle voit tous les meurtres qu'il y a eu dans ce palais, elle dit ça va continuer. Alors, Laetitia Mousse, c'est vrai qu'il y a de la fatalité, et notamment de la malédiction familiale, dont Pierre Judet de Lacombe vient de donner un exemple, de la répétition incroyable dans les familles, de fratricides, de meurtres, c'est affreux, mais la question de la liberté est tout le temps là, il vient également de nous l'expliquer. Pour chaque individu, il y a de la décision à prendre, il y a même du libre arbitre. Ce n'est pas plaquer du moderne sur les antiques que de dire cela. Or, cette question de la liberté et de la décision morale, c'est une grande question philosophique. Pourquoi les philosophes, et notamment Platon, en tout cas Platon, se sent-ils tellement hostiles à cette manière de représenter un problème qui est pourtant éminemment philosophique ? Alors, juste une petite d'abord remarque sur le mot hostile. Il est tout à fait juste. Il faut seulement ajouter que cette hostilité est une hostilité, on va dire, enfin je dirais intellectuelle. Platon ne cesse de répéter qu'il est sous le charme de la tragédie. Alors par ailleurs, donc pour lui, le problème. c'est c'est pas la question de la liberté, du discours sur la liberté de la tragédie, c'est plutôt la façon dont la vie humaine est représentée. Le point de départ de la réflexion en République 10, qui amène à l'exclusion de la tragédie hors de la cité juste, c'est une définition de l'imitation poétique, c'est-à-dire de la tragédie, comme représentant des êtres humains agissants, croyant avoir réussi ou échoué dans leurs actions et éprouvant des affects de plaisir ou de douleur qui sont en cohérence avec l'impression qu'ils ont d'avoir réussi ou échoué. Autrement dit, il me semble que à moi que l'accent de cette description est mis sur la représentation par la tragédie d'une opinion et d'un affect propre au héros tragique sur ce qui lui arrive. Et le propre du héros tragique sur scène, c'est quoi ? Ben, c'est que il se lamente. Oui. Autrement dit, ça il aime pas. Non, c'est ça ? Il n'aime pas parce que pourquoi ? Eh bien, parce que se lamenter sur ce qui nous arrive du fait de la tuquée, pour Platon, c'est la tuquée qui agit dans la tragédie et dans la vie humaine essentiellement. Se lamenter donc, c'est manifester qu'on prend au sérieux ce qui nous advient. Or, pour Platon, il le dit à la fois en République 10 et dans les Lois, livre 7. Justement, rien de la vie humaine ne mérite véritablement qu'on le prenne très au sérieux. Les dialogues de Platon sont plutôt des comédies que des tragédies, s'il faut les rattacher à un genre théâtral. Le problème de la tragédie pour Platon, c'est que elle nous fait prendre au sérieux, enfin, elle met en scène des héros qui prennent au sérieux ce qui leur arrive comme si c'était grave, comme s'il n'y avait pas plus grave, plus sérieux, plus important, ça nous donne l'impression que finalement la chose la plus importante dont on est à s'occuper, c'est les petits malheurs ou les grands malheurs qui nous adviennent dans cette vie. C'est ça le problème qu'a Platon avec la tragédie, et non pas tant moins peut-être, en tout cas c'est moins central dans ce qu'il présente, la façon dont est traitée la question de la liberté. Merci pour cette analyse du problème, comme vous venez de le dire, de Platon avec la tragédie. Destin et malédiction familiale chez les Grecs anciens, c'est le sujet de notre émission ce matin dans le cadre de notre série sur le tragique. Et je suis en compagnie de Pierre Judet de la Combe et de Laetitia Mouze. Nous avons longuement évoqué Eschyle, qui est un peu le père de la tragédie grecque. Évoquons également Sophocle et Euripide. Alors commençons par Sophocle. Antigone, très célèbre pièce de Sophocle, ce moment où elle accepte au fond de se sacrifier, de mourir de la main du pouvoir, parce qu'elle a refusé ce que Créon au pouvoir imposait, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sépulture pour l'un de ses frères morts. Polynice, c'est contraire à ce que les dieux exigent. Antigone veut donner une sépulture à son frère et elle le paiera de sa vie. Si j'avais été mère avec des enfants et que c'eût été mon mari qui était mort et dont le corps pourrissait, je n'aurais pas alors, contre la volonté des gens de la ville, assumé cette épreuve. Quelle est la loi qui me le fait dire ? J'aurais eu un autre mari à la place du mort et un enfant d'un autre homme si j'avais perdu celui-ci. Mais comme ma mère et mon père sont enfouis dans l'Hadès, je n'ai pas de frère qui pourrait venir au monde. Voilà, Polynice, la loi qui m'a fait te préférer entre tous. Mais Créon a pensé que je commettais une faute et que mon audace était folle, mon frère chéri. Je m'en vais vivante dans la caverne des morts. C'est un extrait de la lecture faite de l'Antigone de Sophocle dans votre émission, Pierre Judet de la Combe. Merci, nous ne sommes permis, mais c'est aussi une manière de renvoyer vers votre excellente émission Quand les dieux rôdaient sur la terre, sur France Inter. Ceci était diffusé en mars 2023. Et puis enchaînons tout de suite sur Euripide pour que nous ayons une discussion éventuellement pour comparer le tragique de Euripide à celui de Sophocle. Euripide a notamment écrit Médée. Médée qui va jalouse du fait que Jason, qu'elle aime tant, ait fini par trouver une autre maîtresse. Elle va sacrifier ses deux enfants, elle va les tuer, le fameux infanticide de Médée qui est évoqué là et d'une façon générale général Euripide et Médée sont évoqués là par Jean Guilibert, le metteur en scène en Avignon de cette pièce. C'était en 1981. Dans Médée, il y a quand même quelque chose de très fort. C'est que Médée, mère infanticide, tue ses enfants et nous ne comprenons pas très bien pourquoi. Nous lui ôtons la liberté de tuer ses enfants, alors que si facilement dans la culture occidentale, nous donnons aux hommes masculins la possibilité de sacrifier leur progéniture pour la gloire d'un dieu, pour un bien-être politique, pour tout ce qu'on veut, en fait, de justification idéologique, alors qu'aux femmes, on ne leur permet pas cela. Et en un jour, le père, la fille et le fiancé, mon mari, j'en fais des cadavres. Il y a en moi un démon désigné pour venger les offenses du monde. J'ai mis l'accent plus particulièrement sur le sens de la tragédie grecque, à savoir qu'est-ce que c'est que l'essence même du tragique grec, qui n'est pas du tout pessimiste, enfin, qui est, c'est Nietzsche a dit ça admirablement, qui est l'aboutissement d'un optimisme tragique, bien que cela conduise toujours à la mort. C'est notre responsabilité devant la mort. Pierre Judet de la Combe, chez Sophocle, dans la tirade d'Antigone que nous avons entendue, nous voyons que finalement c'est moins grave. C'est moins grave de tuer un enfant, de tuer un parent. Avoir tué son frère, dit-elle, c'est horrible parce que ses parents sont morts et ne peuvent pas refaire un enfant. Une drôle de logique qui pour nous est troublante. Alors qu'à l'inverse, dans Médée, on voit bien que tuer ses enfants parce que leur père est parti avec une autre femme, il y a une logique. Alors je ne sais pas laquelle, mais j'aimerais comprendre le rapport au meurtre dans cette civilisation, s'il vous plaît, grecque. Oui, c'est très très bon. Ce qu'on a entendu d'Antigone, c'est un passage un peu stupéfiant. D'ailleurs, Goethe espérer qu'un philologue puisse démontrer que ces vers ne sont pas authentiques, ne sont pas de Sophocle, ont été rajoutés par un sophiste rationnellement un peu un uluberlu quoi. Non, c'est fondamental dans la pièce, c'est-à-dire que Antigone, on sait, donc elle défend face à Créon qui dit tu n'as pas obéi à ma loi qui interdisait d'enterrer Polynice. Ne pas enterrer un ennemi, ça se faisait très couramment. C'est-à-dire, on le laissait aux oiseaux, aux chiens, etc. Donc ça avait, même les condamnés à mort, à Athènes, étaient jetés dans un gouffre et on pensait pas du tout à les enterrer. Et donc c'est pas une chose scandaleuse. Bon. Et elle dit non, alors elle dit à Créon non, il y a une autre loi, qui est la loi, donc, de Zeus, de la justice pour les morts. Il faut la respecter, ils ont droit à une sépulture. Alors on l'a dit souvent, Antigone, c'est ce droit-là, c'est les lois non écrites, les lois de la famille. Oui. Alors en fait, faut voir que pas vraiment, c'est que là, elle fait un cours de droit. Elle dit à Créon, tu parles de loi, nomos. Nomos, c'est la répartition du bien et du mal, du juste et de l'injuste et des différents pouvoirs, c'est répartir, quoi. Ce qui fait qu'une cité tient. Tu parles de nomos, de loi, c'est ton décret, ta loi, mais il y en a une autre. Et donc elle dit, donc ton argument de loi ne tient pas. Alors Créon ne comprend pas, évidemment. Créon, lui, c'est le politique comme règle absolue. Donc la famille n'existe pas, l'amour n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est l'harmonie politique. Donc paradoxalement, l'harmonie politique se fait en excluant l'ennemi, donc par la disharmonie. Alors, mais là, elle répond au niveau juridique, elle fait un cours. Et là, elle sait qu'elle va mourir, elle a tout perdu. Oui. Alors elle dit, c'est très étonnant, ma loi à moi, mon nomos, je vais te l'expliquer, elle dit ça au cœur, c'est que mon frère est irremplaçable. Alors que si ça avait été un parent ou un enfant, j'aurais pu en faire un autre. Je pouvais prendre un autre mari, faire un autre enfant. Tout ça, mari-enfant, c'est remplaçable. Alors là, on s'est dit, oui, elle parle d'elle. C'est elle-même qui est irremplaçable. Et donc, Antigone, ce qu'elle défend, c'est moins un droit à la famille contre l'État. Enfin, tout ce qu'on a dit, ça, c'est des réductions. Elle défend ce qu'elle est. Époux et enfants sont remplaçables, mais pas le frère, mais pas le frère, puisque c'est quand même étrange. Hein. Alors, il n'y en a qu'un de Polynice. Alors, il n'y en aura plus d'autres. Oui. Et donc, de même, il n'y a qu'une Antigone. C'est ça que ça veut dire. Oui. Donc, elle dit, moi, je voudrais être là, simplement. Et alors, elle dit, mais même les dieux qui eux sont, les dieux sont trop dans la, elle pense, à ce moment-là, elle n'a pas compris encore, que les dieux sont trop dans la philosophie. Ils pensent en termes de droit, de loi, etc. de justice, de théodicée. Alors elle dit, mais non, il y a cette existence qu'on a là, cette présence. Et moi qui vais être, c'est horrible, elle va être emmurée vivante, qui vais vivre les choses les pires, en fait elle va se suicider, donc elle veut le mort rapide, puisque Créon est hypocrite, il dit je vais pas la tuer, donc je la mets dans une grotte et sans nourriture ou avec à peine de nourriture pendant un jour ou deux, et comme ça on verra bien si elle vit ou si elle meurt. C'est pas moi qui vais la tuer. Donc c'est l'hypocrisie absolue. Ouais. Le langage est faux, tout est faux. Elle dit mon nomos, mon vrai nomos, c'est que je suis moi. Et Antigone, ça veut dire celle qui est née contre, mais d'abord aussi contre elle-même, contre tout. Et donc, je n'ai que cette négation de moi comme moyen d'affirmer que je suis quelqu'un. Et ça, que je suis une présence. Et ça, les dieux l'ont compris, puisque à la fin, les dieux vont montrer par des présages que, en réalité, ils sont du côté d'Antigone et non pas du côté de Créon. Moi, je voudrais vous poser une question qui concerne l'origine du mot. Donc, tragédie, si j'ai bien compris, je le sais intellectuellement, mais je suis pas sûre de le comprendre en profondeur, c'est le chant du bouc. Traguet, le bouc, Edo, Odet, pardon, l'ode, quoi, le chant. L'ode. Donc, si j'ai bien compris, c'est intellectuellement, encore une fois, c'est l'idée du bouc sacrifié qui crie, en fait, qui chante, et face à cela, il y aurait comme une fatalité à accepter. J'ai l'impression, voilà, que si c'est un enfant, son propre enfant, qu'on fait mourir, il y a souvent un moment de souffrance, ça va, Médée, elle tue ses enfants. Si c'est un mari, Clytemnestre, ça va. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Antigone. Si c'est un mari ou un enfant, ça va. Mais si c'est... Bon, alors, mon frère, il est déjà mort, mais la souffrance qu'on peut entendre, une espèce de souffrance morale, par-delà sa mort, qui est... il n'a pas eu de sépulture, celle-là, il faut y remédier. Oui, c'est-à-dire que... Alors, le bouc, on ne sait pas bien. Est-ce que c'est on tue un bouc? Alors après il y a toute la théorie avec Girard, le bouc émissaire, etc. Bon, ça on n'en sait rien, ça me paraît quand même un peu vaseux, quoi. Est-ce que c'était un bouc, on gagnait un bouc? Non, ce qu'on sait simplement, c'est que la tragédie, faut voir, c'est un art populaire carnavalesque. Et donc, quand les gens vils, les cacoïs, les mauvais, les vilains envahissent une ville à un moment pour contre les aristocrates, ils se couvrent de peau de chèvre. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils sont ruraux, quoi, qu'ils sont de la campagne. Et donc, ils viennent pas avec des bottes de foin et des tracteurs, mais je veux dire, ils montrent qu'ils sont, voilà, ils viennent d'ailleurs, ils sont pas urbains. Et la tragédie, c'est un art de théâtre, de farce au départ. Mmh. Populaire, c'est ça qui est stupéfiant, c'est que alors c'est un art hyper complexe au niveau de la musique, des dialectes employés, etc. Il y a un savoir-faire poétique gigantesque, mais au départ c'est populaire, c'est le travestissement. C'est pour ça d'ailleurs que Platon va dire c'est pas très bien parce que c'est du faux, quoi. Mais je veux dire, et ça met des matières nobles de l'épopée dans un dispositif populaire avec une musique tonitruante, enfin, etc. Et donc le bouc, ça doit être quelque chose de cet ordre. Et donc ce qui est frappant, c'est que même quand c'est horrible, la tragédie, c'est la fête. C'est un débordement de sensations, de couleurs, de mouvements, etc., et de raisonnement. Et là, donc, c'est vrai que ce raisonnement d'Antigone est stupéfiant, il devait choquer les gens. Mais en même temps, elle dit le fond du fond, elle dit, mais on s'attaque à l'existence même. Et moi, je veux être là. Et ça, c'est une obsession chez Sophocle. Le problème du droit, etc., ça n'intéresse pas tellement. Qu'est-ce que c'est que la présence de quelqu'un qui a vécu tout ça? Oui. Alors, le raisonnement bizarre des héros tragiques, c'est cela qui est difficile pour les philosophes, et là-dessus, Platon n'est peut-être pas tout seul à mettre cela à distance, ces émotions collectives qui produisent des raisonnements, qui puis-je sacrifier, qui puis-je tuer, qui dois-je tuer. Platon trouve ça insupportable, ça je crois qu'on l'a bien compris, Laetitia Mouze. Est-il le seul? En ce qui concerne la tragédie, on a les textes de la poétique d'Aristote qui est pas du tout dans la même optique que Platon, qui n'évoque pas d'ailleurs la question du cœur, la question de la représentation au sens théâtral du terme a été évacuée chez lui, ou me semble-t-il, tout au moins dans la poétique, contrairement à ce qui se passe chez Platon. La tragédie pour lui, c'est d'abord le mutos, c'est-à-dire ce qu'on traduit par histoire, récit ou intrigue, hein, selon les traducteurs. Donc c'est ça le centre, le propre du mutos, selon Aristote, c'est d'avoir, alors ça paraît trivial, un début, un milieu, une fin, c'est-à-dire un sens, faire passer sa propriété, et donc de suggérer une leçon, quelque chose de général, du catholou, comme il leur dira en République, dans le chapitre 9 de la Poétique. Le point pour lui, c'est ça. Et il n'y a pas, dans la Poétique, de critique. Ni vis-à-vis des émotions collectives portées par le cœur, puisqu'il le met un peu de côté, ni de critique vis-à-vis d'un raisonnement un peu bizarre, comme vous disiez, propre à la tragédie. Ça, c'est complètement absent, et il me semble au contraire que pour revenir à quelque chose que soulignait de façon très intéressante Pierre Judet Lacombe au début de l'émission, oui. À savoir le fait que la tragédie, le propre de la tragédie, c'est justement de s'opposer à la philosophie, dans la mesure où ce qui l'intéresse, c'est l'individu, la singularité de l'individu. Il est possible de lire dans la Poétique quelque chose qui va en ce sens. Il est possible de comprendre la façon dont Aristote décrit la tragédie comme un discours de connaissance, non pas général, mais un discours de connaissance sur la contingence et la particularité humaine. C'est une possibilité d'interprétation. Voilà. Alors plus tard, vous expliquez ça très bien, Laetitia Mouze, il y aura un courant qui essaiera de rectifier vraiment le mode de raisonnement des héros tragiques. Au fond, la critique semblera être, et là je pense aux stoïciens, ces gens se représentent mal les situations dans lesquelles ils ont à décider. Et ça, c'est une critique extrêmement précise, qui ne veut pas dire que la tragédie soit en soi mauvaise, mais en tout cas, celles que nous avons ne sont pas bonnes. D'ailleurs, Sénèque, qui est un stoïcien, plus tard, écrira lui-même des tragédies. Je vous propose d'écouter... Alors, non pas un texte d'Épictète, puisqu'Épictète n'a pas écrit, mais une retranscription de ses enseignements, qui évoque justement Médée et, si j'ose dire, la mauvaise façon de penser de Médée qui s'apprête à sacrifier ses deux enfants. Ne peut-on pas trouver une chose avantageuse et ne pas la choisir ? Non. Comment comprendre alors cette femme, Médée, qui déclare ? Je sais bien quel forfait je vais accomplir, mais la colère l'emporte sur mes résolutions. C'est qu'elle pense que satisfaire sa colère et se venger de son époux lui est plus avantageux que de sauver ses enfants. Oui, mais elle s'est trompée. Montre-lui donc, clairement, qu'elle s'est trompée, et elle ne le fera pas. Aussi longtemps que tu ne le lui montres pas, que peut-elle suivre d'autre que ce qu'elle se représente comme avantageux ? Rien. Pourquoi donc t'irriter contre elle ? Parce qu'elle s'est fourvoyée, la malheureuse, sur les questions les plus importantes, et que d'être humain, elle est devenue vipère ? Pourquoi n'as-tu pas plutôt pitié d'elle s'il le faut ? Alors Épictète, je le rappelle, écrit et vit à la fin, dans la deuxième moitié du premier siècle, début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que donc, semble-t-il, dans ses enseignements, il a discuté avec le mythe de Médée en disant, mais qu'est-ce qu'elle... Si quelqu'un lui avait appris à raisonner à cette pauvre femme, elle aurait compris qu'on ne fait pas ça. On ne tue pas ses enfants. Pouvez-vous nous commenter ce texte étonnant, Laetitia Mouze ? Oui, c'est un texte que je trouve absolument très magnifique, enfin très intéressant, passionnant. C'est un texte qui a pour but non pas de tenir un propos directement sur la tragédie, même si au passage il tient un propos et que j'essaierai de montrer en commentant la fin du passage. Mais le but de ce passage, c'est de montrer que l'exemple de Médée que l'on oppose à la thèse stoïcienne selon laquelle dans le domaine de l'action, il est impossible de ne pas donner son assentiment à ce qui nous apparaît comme avantageux, et donc il est impossible de ne pas agir en conséquence. Donc contre cette thèse stoïcienne, on fait valoir Médée qui dit, à la fois je comprends que ce que je vais faire, c'est mentano le verbe grec, je comprends que ce que je vais faire est mauvais, est mal, mais ma colère, mon thumos, est plus fort. Et là, on a l'impression que ça va à l'encontre du stoïcisme, c'est-à-dire que intellectuellement, elle voit parfaitement, dit-on, que son action n'est pas bonne, mais la passion, la colère l'emporte. Or, la réponse d'Épictète, c'est que en réalité, si réellement elle voyait clairement que ce qu'elle va faire est mauvais et mal, eh bien, elle ne le ferait pas. Le fait qu'elle le fasse est bien la preuve qu'elle ne voit pas clairement, avec évidence, que ce qu'elle va faire est mal. Et quand je dis mal, et quand Épictète dit mal, il faut entendre non pas mal moralement, mais d'abord mal au sens de mauvais, nuisible, désavantageux, néfaste pour elle, puisqu'elle se fait du mal en tuant ses enfants. Ouais. Oui, alors en même temps, excusez-moi, mais Épictète dit là, ce serait mieux que Médée n'ait pas un thumos, c'est-à-dire une humeur sensible trop forte et qu'elle résonne un peu mieux, mais précisément, ce ne serait pas Médée si elle était capable d'être stoïcienne et de dompter son thumos. Donc il y a quand même un peu quelque chose qui tourne en rond là. Médée, c'est justement celle qui n'y arrive pas et qui plaque un raisonnement sur son thumos. Évidemment, ce qui est bizarre pour nous, c'est que se venger de son mari qui est parti avec Créuse, c'est tuer les enfants qu'elle a eus avec lui. Ça, c'est vrai qu'on a un peu de mal. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que c'est... Non, c'est vrai, il y a eu un grand débat sur ce texte, grand monologue de Médée, où elle dit « Je sais que ce que je fais est mal, mais ma colère ou mon ardeur est plus forte que mon raisonnement. » En fait, Euripide, il a mis ça dans la bouche de Médée, c'est contre Socrate, qu'il connaissait, ils sont contemporains. Donc Socrate dit « Nul n'est méchant volontairement ». C'est-à-dire que si on a un concept exact du bien, du mal et de l'action qu'on doit faire, donc des critères qui permettent de la juger, si on juge qu'elle est mal, on la fera pas. Donc une forme d'intellectualisme moral. Oui. Et alors Euripide se moque de ça. Il le fait dans d'autres pièces d'ailleurs. Il dit mais Médée se moque de Socrate en disant je sais très bien que c'est mal. Alors là c'est pas la question de l'avantage ou des avantages, ça c'est une perspective stoïcienne, c'est du mal en soi. Je sais très bien que c'est mal mais je le fais. Alors pourquoi elle le fait? Alors c'est encore, elle est encore pire d'une certaine manière et du coup parce qu'elle raisonne sur l'absence de raisonnement. Donc ça c'est une espèce de contradiction performative, mais c'est justement ça qui est c'est ça le thumos qui se lâche. Elle a pas de thumos là parce qu'elle pleure. Là elle en a un parce qu'elle va les tuer, mais à ce moment-là, elle est pleine de pleurs, de larmes pour ses enfants, de tendresse. Donc et ça, c'est vraiment la contradiction. C'est-à-dire, c'est au moment où elle dit qu'elle va tuer ses enfants, qu'elle est le plus maternelle. Elle est plus mère, je suis en train de choyer ses petits. Et donc, Euripide aimait bien, comme Héraclite, ces espèces de contradictions. Et Euripide se moque un peu de Socrate, mais surtout pour dire, mais c'est quoi la vengeance? Parce que Médée, faut pas oublier que c'est une déesse. C'est la petite fille du soleil, c'est elle, dans la pièce, c'est elle les dieux, c'est elle qui fait le destin. Oui. Elle dit, Jason m'a trompé avec cette jeune femme, il va devenir roi, etc. Eh bien, je fais disparaître tout ce qui me lie à Jason. Donc, c'est ça son raisonnement. Pourquoi Euripide est-il accusé par Nietzsche juste ce point, même assez brièvement, si vous pouvez, d'être le moins tragique des tragédiens grecs. Alors précisément, c'est parce que c'est vrai qu'on a chez Euripide énormément de sophistiques, on a des raisonnements, on a même de la cosmologie, etc. Et donc les personnages raisonnent. Et donc ce que dit Nietzsche, ce sont des personnages faibles parce qu'ils n'ont pas tout un arrière-plan mythique comme Sophocle et Eschyle. Ils sont ou dans la passion. Passion déchaînée, etc., justement comme Médée ou comme Phèdre, ou dans le raisonnement. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas tragique, puisque là où c'est pas tragique, c'est que le raisonnement, la sophistique, c'est le dialogue, ça donne une synthèse, alors qu'il n'y a pas de synthèse pour Nietzsche. Entendu. Je pense qu'il n'a pas compris. Merci. Pour finir, je voudrais vous faire entendre une Antigone contemporaine, puisqu'en 2023, le compositeur François Maïmoun a écrit une nouvelle Antigone, et c'est le livret de Géraldine Haydan qui fait de cette Antigone une femme qui résonne, en effet, et à un moment donné, choisit la vie, choisit l'exil, et non pas cette sanction qui était d'être emmurée vivante. À celui qui se glisse entre les champs d'été, lentement, arrivé des matins printaniers, et au silence sur les rives d'hiver improvisées dans les tempêtes de neige. Et celui du doux vent d'automne sur nos joues encore roussies. Écoute ce silence est mon. Le silence de la pierre dans le soleil d'été, le silence des mains nues posées sur l'être aimé. Crois-tu que l'on renonce sans tourment au silence de la mer, chuchotant ses vagues à la terre? Ce silence est mon, c'est désormais celui de la mort qui attend. Mourir est mon, c'est cela. Traverser la vie plus vite que les autres vivants. Une Antigone contemporaine par François Maimoun, compositeur. C'est joué par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en 2023. Géraldine Haydan a écrit le livret « Une Antigone qui choisit la vie » à la fin. Narration par Laurent Stocker. Merci beaucoup Pierre-Judé de Lacombe et Laetitia Mousse pour vos éclairages sur les Grecs anciens et le tragique qui était le leur, notamment dans, bien entendu, les grandes tragédies originelles, hein, celles d'Eschyle, de Sophocle et de Ripide. Je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui nous parle de la raison cette semaine. Ironie, si j'ose dire, voici le pourquoi du comment. Pourquoi la raison doit-elle être publique? Il faut sortir définitivement aujourd'hui des grands partages absolus entre la raison, le rationalisme absolu d'un côté et l'irrationnel de l'autre, la méfiance absolue, le doute qui peut mener aussi à la guerre de l'autre. Nous devons retrouver aujourd'hui le partage du rationnel et du raisonnable, le raisonnable étant non pas secondaire mais plutôt l'ouverture d'une discussion entre les humains, l'espace du raisonnable étant tout l'espace de la vie humaine lorsqu'elle n'est pas déterminée par une science mathématique, tout l'espace finalement des opinions et peut-être l'espace de la politique elle-même. Ainsi, à côté de la raison du rationalisme strict, de la raison mathématique, qui certes doit aussi faire la part à des hypothèses, à des probabilités, il y a tout l'espace de la discussion, tout l'espace de ce que le philosophe politique John Rawls appelait l'espace des doctrines raisonnables. Mais justement, John Rawls, très proche aussi de Jürgen Habermas, au même moment, le grand philosophe allemand de l'éthique de la discussion nous montre que dans l'espace du raisonnable, il n'y a pas seulement une coexistence passive, il faut une véritable discussion explicite. Le rôle de l'espace public, du forum, c'est de donner ses raisons pour une action plus ou moins raisonnable en acceptant les raisons des autres, mais en pondérant en quelque sorte les arguments selon des principes pour que les actions communes des hommes, qui ne sont pas fondées sur une nécessité mathématique, sur un logos des choses, sur un rationalisme absolu, doit néanmoins leur raison et puisse faire l'objet d'un consensus, d'une conviction, d'une persuasion rationnelle. Ainsi, la raison humaine est certes limitée, mais ces limites ne sont pas des défauts seulement, elles nous obligent à construire des institutions qui nous permettent de partager les arguments, des institutions que certains appellent, c'est le cas de Habermas et de Rawls, des forums de la raison publique. Ces forums, ce ne sont pas seulement les enceintes parlementaires où chacun expose ses raisons et cherche à réfuter les autres et on arrive à l'argument, faut-il espérer, le plus justifié par une raison au moins probable et par des principes de justice. Ce sont aussi les scènes, aujourd'hui très disputées, très contestées, très conflictuelles, des espaces médiatiques, des espaces de discussion. L'espace public en général est en fait l'espace du rationnel mais surtout l'espace du raisonnable où l'on affronte aussi malheureusement de plus en plus le déraisonnable revendiqué, l'irrationnel absolu, ce parent des artifices de la raison. Peut-on encore aujourd'hui avoir un forum de la raison publique? La raison peut-elle être encore publique aujourd'hui ou l'espace public peut-il être encore rationnel ou raisonnable? En réalité, ce que nous montrent ces analyses, c'est que le public et le rationnel sont inséparables. L'espace public, c'est l'espace de la discussion rationnelle et raisonnable. C'est l'espace de la compréhension à la fois de ce qui est logiquement nécessaire et qu'il ne faut pas contester, par exemple la science, et de ce qui est humainement discutable et où il faut arriver au moins pire possible, pourrait-on dire, une discussion raisonnable, ce raisonnable n'étant pas par défaut, ce raisonnable étant au contraire le sommet de la vie humaine, le sommet de la compréhension mutuelle, le sommet non pas d'une imposition mutuelle par la force, mais d'un consensus partiel sur ce qui est le meilleur possible étant précisément de construire ces institutions de la raison publique. Alors évidemment, au-delà de la raison, parfois il y a les émotions qui nous poussent aussi à l'action, les passions négatives et aussi les passions positives. La raison nous paraîtra toujours insuffisante, mais l'institution de la raison publique, c'est aussi le rempart contre ce que l'irrationnel a de plus destructeur, et défendre la raison publique aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus rationnel pour les humains. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Anthony Thomasson, et merci aussi aux équipes de France Bleu Occitanie pour le duplex. Merci à Anna Fulpin qui m'a aidé beaucoup à la préparer et au reste de l'équipe. Bon week-end à tout le monde, vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.